Le génie de Gênes de la Croix, par Paul de Saint-Victor. L'originalité de Delacroix est radicale et entière. À quelle école l'affilier? À quel maître le rattacher? Sa peinture rappelle par quelques accords celle de Véronèse. Le jour tempéré et froid qui éclaire les banquets du Vénitien se reflète sur quelques-unes de ses toiles. Mais pour cette ressemblance passagère, que de différences essentielles? Les personnages de Véronèse sont créés uniquement pour le plaisir des yeux. Ils gardent jusque dans l'action tragique une sérénité impassible. Tout est chez lui luxe et joie, déploiement de cérémonial, ostentation de costumes, prodigalité d'accessoires, musique de lumière. Les personnages de Gênes de la Croix, au contraire, valent surtout par leur puissance expressive. Ils se groupent sans rythme et ils s'agitent sans cadence. Leur costume affecte presque toujours une négligence dédaigneuse. La lumière qui les éclaire se met comme la rampe d'un théâtre à l'unisson du drame qu'ils représentent, tantôt mystérieuse et pâle, tantôt aiguë et tragique. On le rapprocherait plutôt de Rubens. Il admirait entre tous les maîtres, il en parlait comme du roi des peintres. Peut-être descend-il de lui, selon la chair, pour ainsi dire, par l'imagination décorative et par l'énergie de l'exécution. Mais selon l'esprit, il n'est pas même son allié. Le génie de Rubens, tout-puissant sur la matière, ne peut rien sur l'âme. Son œuvre, également splendide, uniformément magnifique, rappelle ce monde des panthéistes indiens où l'arbre vole l'homme, où le caillou est égal à l'astre. Il produit indifféremment des crucifiements et des kermesses, des chasses et des martyrs, des allégories sacrées et profanes. La peinture est pour lui ce qu'est pour un athlète l'exercice violent et assidu de sa force. Moins puissant, moins riche et moins fort, Delacroix l'emporte sur ce géant par l'intelligence. Sa peinture déborde d'idées. Il ressent toutes les émotions qu'il exprime. Ses moindres figures brûlent et palpitent d'une vie passionnée. La santé physique est l'état normal du monde de Rubens. Une fièvre idéale ravage le monde de Gênes de la Croix. Il a emprunté à Rembrandt quelques lueurs de sa lampe merveilleuse, quelques rayons de son soleil oblique, mais il ne se concentre pas comme lui dans les angles du clair-obscur. L'affinité est trop vague pour être indiquée. Enfin, Gros et Géricault ont exercé sur ses débuts une certaine influence, bientôt effacée par sa personnalité exclusive. On a beau chercher à Gênes de la Croix des analogies et des parentés, il faut décidément le laisser à part dans son isolement joyeux et hautain. La nature même ne la servit pas. Il la consulte plus qu'il ne l'étudie. Les êtres et les choses sortent de sa palette aussi transformés que l'or et le bronze des moules du fondeur. De là, l'unité étrange et en quelque sorte exotique qui règne dans son œuvre, où tous les objets se lient comme les notes d'une symphonie écrite dans un certain mode, où l'arbre correspond au terrain, où le cheval s'ajuste à son cavalier, où l'architecture s'adapte à l'habitant, où le ciel enveloppe les hommes et les choses d'une atmosphère faite à leur image. Essayez par l'imagination de transformer une figure d'Eugène Delacroix dans le tableau d'un autre peintre. Elle y paraîtra aussi fourvoyée que le serait un indigène de Mars ou d'Uranus jeté sur la terre. Sa peinture est avant tout personnelle et indivisible. S'il fallait définir d'un mot, en réservant de grandes exceptions, le caractère dominant du génie de Gênes de la Croix, nous dirions que c'est le paroxysme. Ces personnages sont des êtres violents et sensitifs par essence, qui ne ressentent rien à demi, et que l'acte qu'ils accomplissent ou la passion qui les préoccupe possède à la façon d'un démon. L'amour les enivre, la colère les transporte, la haine les dévore, la douleur les écrase et les roule à terre. Leur rêverie même, quand ils se contentent de rêver, devient pathétique tant elle est intense. La vulgarité ne souille jamais les excès d'émotion auxquels ils se livrent. Au milieu de leur crise, au fort de leur lutte, ils restent fiers, élevés, poétiques, mystérieux surtout. Et ce mystère indéfinissable qui fait partie de leur nature ajoute aux compositions du peintre un charme infini. Dans les sujets les plus connus de l'histoire, il ouvre à l'imagination des perspectives imprévues. Son style intrigue la pensée et sollicite l'imagination. Il y a du par-delà dans tous ses tableaux. Quoi qu'il ait, quelquefois, surtout dans ses grands ouvrages, harmonieusement exprimer les délices de la joie et la sérénité du repos, la douleur est son thème de prédilection. Il la retourne sous toutes ses faces, il la parcourt dans toutes ses gradations, il donne aux larmes une amertume dont il a seul le secret. On peut dire qu'il a inventé de nouvelles façons de souffrir, comme ces tyrans de l'Antiquité qui imaginent de nouveaux supplices. Tout souffre autour de ces créatures douloureuses. La nature s'accorde à leurs mots, comme l'orchestre accompagne l'imprécation et la plainte des héros de la tragédie lyrique. Le ciel verse sur ses calvaires d'horribles ténèbres. Des nuages noirs planent comme des chauves-souris sur les fronts de ces hamlets bourrelés. Les édifices où il met aux prises les meurtriers avec leurs victimes se creusent et s'assombrissent comme des autres. Les défauts du dessin si dénigré d'Eugène Delacroix tiennent à son génie même. On pourrait dire qu'ils en font partie. Il est vrai qu'il manque souvent de sévérité et de choix. Des incorrections rebutantes avilissent quelquefois ses types les plus fiers. Il jette au milieu de ses chefs-d'œuvre des erreurs plastiques qui détonnent comme feraient des barbarismes dans une épopée. Ses petits tableaux, surtout, improvisés à l'état d'ébauche et qu'il eut le tort de multiplier, ennuient à sa gloire. La peinture dans cette dimension restreinte devient pour lui une espèce d'écriture hiéroglyphique qui supprime le rendu du réel des objets pour ne viser qu'à leur abréviation rapide et cursive. Tel signe représente un homme, tel autre un cheval, celui-ci une draperie et celui-là une armure. Il demande trop au corps, il le surmène, il le brutalise. Pour le saisir dans l'instantanéité de son mouvement et de sa mimique, il disloque l'attache et l'estropie le contour. La main n'est pour lui que le moyen du geste, le pied n'est que l'organe rudimentaire de la course. Comme ces personnages sont presque toujours engagés dans une action véhémente, il les suppose voilés par la rapidité de leur pantomime et déformés par la fougue de leur impulsion. Chez lui, le membre qui agit accapare la force des autres. La vie du personnage s'y porte tout entière et y produit une sorte de congestion dynamique. Les bras tendus du suppliant semblent se détacher du torse. La main menaçante du combattant se crispe comme une griffe. On sent craquer les os du cou que l'effroi retourne ou du buste qui se ploie sous le désespoir. Cette part faite aux exagérations et aux défaillances, le dessin d'Eugène Delacroix, pris dans son ensemble, est celui d'un maître. Il ne faut lui demander, sans doute, ni le rythme des lignes, ni le rendu rigoureux des formes, ni le fini des détails. Il ne circonscrit pas le corps dans des contours arrêtés qui l'isolent du milieu où il se produit. Ce point de vue idéal a produit les immortels chefs-d'œuvre de l'école romaine et de l'école florentine. Il aboutit aux hauteurs du style, il conduit à la beauté pure. L'art qui part de sa forme humaine lui doit sa base sacrée et ses principes essentiels. Mais il est un autre dessin plus général et plus libre, pratiqué par Rubens et par Véronèse, par Rembrandt et par Velasquez, qui ne sépare jamais la forme de ses rapports avec l'atmosphère, qui subordonne les contours au milieu, le trait au modèle, et distingue les plans par la teinte plus que par la ligne. Ce dessin mouvementé se préoccupe avant tout de composer ses masses pittoresques. Il court, pour ainsi dire, après la figure. Il l'atteint en pleine gesticulation et en plein mouvement, et la jette sur la toile toute chaude encore de l'action. Ses contours flottent pour mieux exprimer cette activité. La lumière les décompose, l'atmosphère les fait ondoyer. Elle tourne sur le fond du tableau et semble prête à s'en détacher. Dans ce dessin en action, Delacroix est maître. Il apporte à faire mouvoir ses personnages un tact de la forme et une justesse de silhouette que peu de peintres ont surpassé. Ce serait d'ailleurs errer gravement que de le croire incapable de correction. Nous avons déjà signalé les progrès plastiques que fait son pinceau déployé sur une vaste échelle. Ses tableaux mêmes offrent des parties de dessin d'une parfaite beauté. Le torse de la jeune fille du massacre de Scio est comparable à un marbre antique. Le génie des arts, dans l'hémicycle d'Attila, ne déparerait pas une fresque du Vatican. Son génie de coloriste n'a jamais été contesté. On ne nie pas l'évidence. Ici encore, son originalité est entière. Sa couleur a un éclat spécial et une force propre. Ce n'est point par la beauté des tons qu'elle se recommande. Il ne broie pas, comme Titien, de la chair dans de la lumière. Il n'a ni la splendeur joyeuse du Corrège, ni la magnificence ruisselante de l'incorruptible fraîcheur de Rubens. Son pinceau est rarement caressant et tendre. Sa touche multiplie trop les hachures. Une teinte violacée attriste souvent sa palette, comme une lie qui se mêlerait à un vin généreux et riche. Avec ses lacunes, le coloris de Eugène Delacroix est d'une admirable puissance. Il manie sa palette comme un musicien parcourt les cordes de son instrument. La gamme des valeurs, l'accord des nuances, le jeu des contrastes et des dissonances, l'échange des reflets et des apparences n'ont point de secret pour lui. Il tire des effets merveilleux de l'harmonie sourde qui enveloppe parfois ses tableaux. C'est comme un accompagnement étouffé sur lequel il fait retentir des colorations énergiques. Un calcul infaillible dirige ses combinaisons pittoresques. Sa peinture est raisonnée autant qu'inspirée. La main fougueuse de l'exécutant obéit en lui à la réflexion du penseur. Mais ce qu'il faut admirer surtout dans le coloris d'Eugène Delacroix, c'est le caractère intellectuel dont il est empreint, la poésie de ses effets, la variété de ses modes, les significations idéales et expressives qu'il en tire. Ses couleurs parlent comme les fleurs des bouquets hiéroglyphiques qu'a sortis l'Orient. Elles exhalent ou elles ravissent l'âme comme les accents d'un chant passionné. Avec une fécondité étonnante, il eut encore cette universalité qui est le privilège des grands maîtres. Dans ce temps où la division du travail a passé de l'industrie dans l'art, où tant d'artistes ne sont que les artisans spéciaux d'un produit perpétuellement répété, l'un voué au tableau d'église, l'autre polissant et repolissant la même vache ou le même mouton, celui-ci plantant des paysages bretons ou normands devant la même ferme, celui-là habitant et déshabillant les marionnettes du XVIIIe siècle, Eugène Delacroix sut tout peindre et tout exprimer. Son œuvre embrasse tous les climats et toutes les races, toutes les poésies et toutes les histoires, toutes les religions et toutes les époques. Il descend des batailles épiques de l'Antiquité aux barricades de l'émeute moderne. Il passe de plein pied de la Bible à Shakespeare, de Homère à Goethe. On peut dire qu'il a eu en art le don de l'ubiquité. Comme Rubens, comme Rembrandt, comme tous les grands peintres universels, il surpasse les spécialistes dès qu'il aborde leur genre. Aucun peintre de marine contemporain n'a rendu comme lui les menaces et les colères de l'océan. Ses grands paysages dominent d'une hauteur idéale les sites vulgaires des paysagistes de profession. Ces animaux sont incomparables. Il les construit grandement à la manière antique, se préoccupant plus de porter leur caractère à son comble que de disséquer exactement leur structure. Ces chevaux héroïques semblent avoir gardé l'âme des anciens centaures, qui, mieux que lui, a peint la digestion somnolente des tigres couchés dans leur jungle, la flamme perfide que distillent leurs yeux de phosphore, le velours flottant de leur robe sous lequel jouent des muscles d'acier. Ces lions ont une grandeur royale, soit qu'accroupis sur leurs jarrets, dans une posture presque humaine, ils étalent triomphalement leurs griffes sur un chasseur abattu, soit qu'ils les jettent à la gueule béante, les narines en feu, la crinière droite, les ongles ouverts, sur les lances et les coutelas des Arabes. On a même de lui des tableaux de fleurs, d'une fraîcheur et d'une richesse éblouissantes, et dont le souvenir vous poursuit à la façon d'un violent parfum. La postérité a commencé pour ce grand artiste. Nul plus que lui n'en eut le noble souci. On peut dire qu'il est mort à la peine de sa renommée. Il était de ceux qui allument leur vie comme une lampe ardente et qui se consument à l'entretenir. Le zèle de la gloire tourmentait son âme. Il travaillait pour conquérir l'avenir avec l'âpreté de l'homme de labeur qui veut gagner sa journée. Cet avenir auquel il dédiait son œuvre le dédommagera des injustices du présent. Il lui fera la place à part qu'il réserve aux représentants de l'âme d'une époque. Eugène Delacroix a reproduit toutes les passions, toutes les douleurs et tous les rêves de son temps. Les flammes éparses sur une génération se sont condensées dans son œuvre. Quand la postérité cherchera à brûler le feu sacré de ce siècle, c'est dans les livres de quelques poètes, c'est dans la peinture d'Eugène Delacroix qu'elle viendra l'admirer et le recueillir. Paul de Saint-Victor.